On dit des gens sans importance, des gens qui ne sont jamais nés. Des anonymes, des pas de chance, des gueules meurtries, des gueules cassées. Des pauvres gens en mal de chance qui doivent se taire et travailler. Des gens qui ont perdu d'avance pour ceux qui croient avoir gagné. On dit des gens sans éloquence, des gens sans grandeur à venir. On dit des gens sans importance, on dit des gens sans avenir. Sur ma route, des tragédies, des fantaisies, des gens qui, malgré leur déroute, faisaient encore valser la vie. Des gens qui n'avaient rien du tout, qui pourtant auraient tout donné, des gens tombés qui, d'un seul coup, essayaient de se relever. J'en ai vu des gens sans histoire, qui se racontaient sans tricher, des gens muets dans leur parloir, qui savaient plus à qui parler. Oui, j'ai vu des gens sans défense, des cœurs meurtris, abandonnés, qui du profond de leur souffrance croyaient encore au verbe aimer. Des gens de tout bord, de tout large, des gens d'horizons si lointains, des gens qui comptaient page à page les maladresses de leur destin. Des gens qui n'usaient aucun charme, des gens de soucis quotidiens, des gens démunis et sans armes que l'on fusille tous les matins. On dit des gens sans importance, des gens qui ne sont pas cités, des gens qui comptent leur dimanche et qui ne savent pas bien compter. On dit des gens sans un diplôme, des gens sans université, qui n'ont pas inventé l'atome et qu'on envoie se faire tuer. On dit des gens sans aventure, frileux dans leur sécurité, des gens qui se tuent en voiture parce qu'ils voulaient accélérer. J'en ai vu des gens, des ivrognes, des comptoirs toute la journée, et qui s'étaient cogné la trogne à leur amour, à leur passé. J'en ai vu des gens sans bonheur, qui s'en allaient petitement, des gens qui réclamaient encore le droit de vivre dignement. On les regarde dans leur mouroir, ils nous font rire bien souvent, des gens sans nom, des gens sans gloire, des gens tout court, des petites gens. J'ai vu des gens couverts de gloire, des stars repues et adulées, qui pleuraient devant leur miroir parce que des rides avaient poussé. Comme pour crevasser leur visage, comme si la mort les torturait, arrivés au bout du voyage, ne sachant plus qui elles étaient. J'ai vu des gens couverts d'argent se cacher pour pouvoir pleurer et redevenir impuissants car leur enfant s'est suicidé et plus rien n'avait d'importance. J'ai vu des gens pleins d'importance se dire en bonne volonté, tricher en toute impénitence pour le pouvoir assassiner. J'ai vu ces assassins de l'ordre fusiller des hommes innocents au nom de l'État en désordre, emprisonner les opposants. J'ai vu ces rois, ces présidences, eux qui se croyaient les plus forts, recroquevillés dans leur puissance, trembler de peur face à la mort. On dit des gens sans importance, qui n'ont jamais tué un chat, des gens fleuris comme l'enfance, qui pour mourir tendent les bras. J'ai vu des gens tellement sensibles, que pour parler ils se noyaient, des gens qu'on traitait d'imbéciles et qui simplement souriaient. J'ai vu ces gens, ces invisibles, qui tout simplement cheminaient, avec des rêves inaccessibles, mais que parfois ils atteignaient. On dit des gens sans importance. J'ai vu ces gens avec mes yeux, ils sont ma joie et ma souffrance. J'ai besoin de te parler d'eux. On dit des gens sans importance.